Fou, 89.1. Cette semaine, on bat sur plan de show. Dans Television Television, avec Mind Control TV, la BBC teste une télévision contrôlée par la pensée. Au Québec, on teste une télévision qui contrôle la pensée des gens et ça s'appelle TVA. Dans Segment Geek Célix, ce logiciel est capable de détecter la douleur sur le visage des malades. Moi, je travaille sur un logiciel pour détecter le malaise après que j'ai fait une mauvaise blague. Et dans Merci Science, des implants dans le cerveau pour améliorer la mémoire. On m'a sur plan de show tout de suite. Et voici celui qui provoque des malaises jusqu'en Malaisie, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 28 septembre 2015, à la chronique Television Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment Geek CNX. Pour commencer, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et j'ai le plaisir de vous présenter comme première pièce une chanson de Buzz Blinchy. Voici Waking Up Like Every Single Day au 89.1 FM. C'est fou! Waking up like every single day. Il travaille sur un maxi en ce moment et il y a ses pièces qui sont disponibles sur chipmusic.org. Maintenant, c'est Television Television. C'est Television Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision, bien sûr, les nouvelles des 7 derniers jours. Commençons au Québec avec Ça fait un bail, le nouveau projet de Jocelyn Lebeau et Martin Proulx. Mais qui? Ben voilà, je vais vous répondre. Jocelyn Lebeau et Martin Proulx qui ont revêtu des dizaines de costumes et de perruques pour le 16h à Télé-Québec migrent vers le volet gratuit de Ici Tout.tv où on les retrouvera dans 8 émissions à sketch humoristique à compter du 28 octobre prochain. Leur nouveau rendez-vous baptisé Ça fait un bail les réunira chaque fois aux côtés d'une personnalité. Parmi les premiers invités confirmés, on peut remarquer Valérie Blais, Debbie Lynch-White et Christiane Charette. À chaque émission, Jocelyn, Martin et leurs camarades de la semaine se retrouveront autour d'un verre après une absence plus ou moins longue, comme l'évoque le titre Ça fait un bail, en plus de faire un clin d'œil au bye-bye. Leurs discussions animées touchant à l'actualité seront entrecoupées de sketchs mettant aussi en vedette leur invité. Ici, RTV doit diffuser le tout plus tard, mais la date n'est pas encore déterminée. Ça ressemble, ça me fait penser un petit peu au format du nouveau SNL Québec là, qui va s'appeler le nouveau show, qui va commencer sur Internet, ensuite à RTV, ensuite à Radio-Canada. C'est comme un genre de mélange des médias. C'est Philippe-Olivier Content qui réalise Ça fait un bail pour le compte des productions imminentes. Voilà. Ensuite, on passe, en fait, on reste au Québec, mais on passe à la télé communautaire TV Cogeco qui convertit tout son réseau local à la haute définition. TV Cogeco, une division de Cogeco Câble Canada, est propriété de l'entreprise de télécommunication Cogeco Câble et offre désormais à ses clients un accès en haute définition à l'ensemble de son réseau de télévision locale. Les clients de Cogeco peuvent donc visionner en exclusivité le contenu HD à la chaîne 555, de même que sur Cogeco sur demande au 602. Le renouvellement technologique des 15 stations TV Cogeco des régions du Québec qui représente un investissement de 5 millions de dollars effectué au cours des 5 dernières années. TV Cogeco exploite 36 stations télévision communautaire au Québec et en Ontario. Offerte exclusivement à la clientèle de Cogeco Câble Canada, la programmation de TV Cogeco propose un large éventail de contenus variés qui sont conçus, produits et mis en onde par une équipe d'employés et de bénévoles en collaboration avec différents organismes locaux. On reste en télé communautaire, c'est rare qu'on en parle, mais quand on en parle plus qu'une fois. Hein? Donc, les passionnés du petit écran qui souhaitent s'investir dans la télévision communautaire MaTV, exclusive aux abonnés du câble distributeur Vidéotron, sont invités à soumettre leur candidature pour devenir bénévoles. MaTV a besoin de gens qui veulent travailler devant ou derrière la caméra au sein de ses équipes. Les professionnels sont appelés à les encadrer pour la production d'émissions citoyennes. Une formation est offerte relativement à tous les postes clés en télé, de l'animation jusqu'à la technique. Une cohorte comprenant 50 bénévoles a amorcé son parcours le 9 septembre dernier dans le cadre du programme Mon Bénévolat de MaTV. Il y a un formulaire qui est disponible sur leur site internet matv.ca pour s'inscrire comme bénévole. On passe au Canada. Maintenant, tous les immeubles de Radio-Canada qui pourraient être vendus. Selon la presse canadienne, le directeur des services immobiliers de Radio-Canada a affirmé que n'importe quel immeuble appartenant au radiodiffuseur public pouvait être vendu afin de compenser les récentes coupes budgétaires. Marc Lapierre donc, a toutefois insisté sur le fait que, contrairement à ce qu'avait laissé entendre la Guilde canadienne des médias, la société d'État n'avait nullement l'intention de se débarrasser de la totalité de ses biens immobiliers. Refusant de commenter les transactions en cours, il a toutefois reconnu que Radio-Canada cherchait effectivement à se défaire de ses immeubles afin de passer de propriétaire à locataire, mais seulement lorsque c'était avantageux de le faire. M. Lapierre a cité le plan d'annonce l'an dernier par le radiodiffuseur national qui vise à réduire de 50% ou de 2 millions de pieds carrés la superficie de ses biens immobiliers d'ici 2020. Cela pourrait vouloir dire louer les espaces non utilisés ou vendre et déménager dans des installations plus modestes. La Guilde canadienne des médias avait sonné l'alarme en soutenant dans un communiqué de presse que Radio-Canada avait révélé son intention de mettre en vente tous les biens immobiliers qu'elle possède dans l'ensemble du pays, dont les grands studios de production de Montréal et de Toronto lors d'une assemblée de personnel. La chef des relations avec les médias à la Société d'État n'est pas allée jusqu'à réfuter la déclaration de la Guilde, se contentant de préciser qu'aucun nouveau plan n'avait été dévoilé durant la réunion et que celui de 2014 était toujours en vigueur. Marc Lapierre a indiqué que ce plan avait été complété à 10% et que le radiodiffuseur public s'était débarrassé de 400 000 pieds carrés depuis 2011, principalement au cours de la dernière année et demie. Madame Fortier, ça c'est la fille de la chef des relations avec les médias à la Société d'État. C'est beaucoup de noms. Elle a souligné que 9 propriétés avaient été vendues depuis 2010, notamment à Sudbury, à Moncton, à Halifax et à Windsor. Radio-Canada a également loué des espaces superflus à Toronto et Vancouver. On a ajouté que cette stratégie mettait aussi la société d'État à l'abri des risques du marché tout en offrant une plus grande flexibilité à ses effectifs qui ne cessent de diminuer. Radio-Canada qui a supprimé plus de 2800 postes depuis 2008 et prévoit en éliminer 1800 autres d'ici 2020. On s'en va aux États-Unis où NBC planche sur une série basée sur le Cosmopolitan. La chaîne américaine NBC développe une nouvelle série centrée sur la rédaction du célèbre magazine féminin Cosmopolitan, révèle Variety. Cette œuvre dramatique sera produite par la rédactrice en chef du mensuel, Joanna Coles. Tirée d'un scénario signé Sarah Watson, qu'on connaît de Parenthood, ça c'est le clan Braverman. Avec la participation de Joanna Coles, l'action se concentrera sur le quotidien des rédacteurs et autres membres du personnel du magazine féminin, entre vie professionnelle et vie familiale. Pour le moment, ni de titre, ni de membres de la distribution n'ont été révélés, mais les informations devraient être dévoilées prochainement et le projet pourrait être diffusé à la saison 2016-2017. Mila Kunis sera productrice d'une série d'horreur. Mila Kunis produit une série horrifique. L'ancienne star de la comédie That 70s Show et femme d'Ashton Kutcher s'implique dans le développement de Trapped, une série d'horreur destinée à la chaîne américaine câblée Starz. Depuis peu, Mila Kunis s'est lancée dans la production via sa société Orchard Farm Productions. Après le film L'Emmerdeur de New York, dans lequel elle donne la réplique à Robin Williams, Peter Dinklage et Melissa Leo, l'actrice parie sur Trapped. Elle sera épaulée par Rob Zombie, spécialiste des films d'horreur, entre autres Halloween, qui se trouvera également derrière la caméra. Il mettra en scène cette série qui se déroulera sur une seule nuit dans la maison d'une famille riche où sévit une secte meurtrière. Sacha Baron Cohen produira une série pour Amazon. Suite au succès de Transparent, Amazon poursuit le développement de nouveaux pilotes de séries avec de grands noms comme Sacha Baron Cohen. Le héros de Borat produira Heiston, une comédie sur un jeune de 19 ans qui possède un large cercle d'amis célèbres que lui seul peut voir. Alors que ses parents songent à une aide psychiatrique, son oncle pense que tout va bien. Cette comédie fera partie d'une nouvelle fournée de 6 pilotes où figureront également Edge, un western situé dans l'Ouest américain après la guerre civile, Good Girls Revolt, l'histoire de femmes qui réclament l'égalité homme-femme dans une rédaction de en 1969, One Mississippi, une comédie noire produite par Louis C.K., le thriller politique Patriot et Z, une série sur la vie de Zelda Fitzgerald, femme et muse de l'écrivain F. Scott Fitzgerald, incarnée par Christina Ricci. Jack Ryan prépare son arrivée à la télé. Le célèbre agent de la CIA, personnage phare des romans de Tom Clancy, pourrait devenir le héros d'une série télévisée signée par un ancien duo de la série Perdu. Carlton Cuse et Graham Rowland est produite par Michael Bay, révèle Deadline.com. Le drame ne sera pas directement tiré des romans de Tom Clancy comme l'ont été les nombreuses adaptations cinématographiques. Il s'agira seulement d'utiliser les livres comme des sources de base. Retraité de l'armée suite à un accident d'hélicoptère, Jack Ryan est tour à tour professeur d'histoire, agent de la CIA et même président des États-Unis. Le héros de Tom Clancy a fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques et a été incarné par Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck et Chris Pine. Shonda Rhimes, la créatrice de Dr. Grey, le son d'anatomie, développe pour ABC une nouvelle série, une autre série. Il y a quasiment juste Shonda Rhimes sur les ondes de ABC et qui aura comme héros des médecins, encore, selon The Hollywood Reporter. Loin du camp de Seattle, la nouvelle équipe médicale sera basée dans un camp à Bagdad en 2004 au paroxysme de la guerre en Irak. Le projet ne sera pas un dérivé de Dr. Grey, le son d'anatomie, centré sur Owen Hunt, Kevin McKay, d'anciens chirurgiens militaires ayant servi en Irak, même si l'idée a effectivement effleuré Shonda Rhimes. Le scénario sera malgré tout assuré par Zoan Clark, ancien médecin experte en médecine d'urgence qui participe au dialogue et à la production de Dr. Grey depuis sa première saison. La série médicale entamera ce jeudi, jeudi dernier, sur ABC, la 12e saison, aux côtés de Scandal et de How to Get Away with Murder, deux autres créations de Shonda Rhimes en ce moment. L'icône du rock, David Bowie, a signé le générique d'une série policière franco-britannique qui sera diffusée à l'automne, sa première composition pour la télévision depuis une vingtaine d'années. David Bowie a indiqué dans un communiqué avoir composé la musique originale de Panthers, une série qui s'inspire de l'histoire des Pink Panthers, un gang de braqueurs originaires des Balkans, rendu célèbre par le spectaculaire vol de bijoux dans le monde entier. Une série en 6 épisodes qui est coproduite par la chaîne française Canal Plus et britannique Sky et qui va être diffusée à partir du mois de novembre. Donc, je cite, pour le générique de Panthers, je rêvais de l'une des idoles de ma jeunesse, mais c'est carrément Dieu que j'ai rencontré. Le morceau qui nous a, on transitionne à quelqu'un d'autre. Le morceau qui nous a proposé incarnait chaque facette de nos personnages et de la série elle-même, sombre et inquiétante, mais aussi très belle et sentimentale. Parmi les acteurs de Panthers figure le français Tahar Rahim, qui a joué dans le film de Jacques Audiard, Un prophète, et la britannique Samantha Morton, qu'on a vu dans Minority Report, Sweet and Lowdown de Woody Allen, ou encore Control, le biopic sur Ian Curtis, le chanteur de Joy Division. David Bowie compose pour la télévision pour la première fois depuis 1993, lorsqu'il avait enregistré un album accompagnant une série de la BBC tirée de The Buddha of Suburbia, un roman d'Anif Qureshi. Le chanteur britannique a récemment annoncé une série de projets dans l'écriture de la musique de nouvelle version de The Man Who Fell to Earth, film dans lequel il avait joué en 76. Voilà, ou encore la comédie musicale adaptée du dessin animé Bob l'Éponge. Vous pouvez retrouver le générique, évidemment, sur assemblagerequis.com. Pitbull produira la prochaine série de Fox, la chaîne Fox qui développe une nouvelle série centrée sur la communauté aisée de Miami, dont la production a été confiée au rappeur Pitbull. Sasha Penn sera à l'écriture alors que Jonathan Levine réalisera le projet. Le scénario se concentre sur Willie, un adolescent qui se voit obligé de quitter son lycée modeste pour aller vivre chez son oncle, le célèbre chef. Il se retrouve alors dans une riche école privée de Miami, tentant tant bien que mal de s'acclimater à ce nouvel environnement. 305, le titre de la série, n'est pas sans rappeler le surnom donné à Pitbull, Mr. 305, mais également l'indicatif de la ville de Miami. La distribution devrait être dévoilée dans les prochaines semaines. Un retour encore une fois à la télé, un autre remake. L'agence touristique The A-Team, série culte des années 80, s'apprête à revenir au petit écran près de 30 ans après son arrêt sur la chaîne américaine NBC. Selon Deadline, 20th Century Fox TV, Chris Morgan, producteur et scénariste de la saga Rapide et Dangereux, et la fille de Stephen J. Cannell, le créateur de la série, tentent de faire revenir à la télévision The A-Team. Comme dans la version originale, la nouvelle série mettra en scène des membres des forces spéciales de l'armée américaine qui tentent de retrouver les personnes qui les ont piégés en les accusant d'un crime qu'ils n'ont pas commis. La nouveauté viendra de l'arrivée de femmes dans l'équipe. Devenus des héros de la culture populaire, Hannibal, Futé, Looping et Barracuda étaient déjà revenus en 2010 dans un film incarné par Liam Neeson, Bradley Cooper, Charlton Copley et Quentin Jackson. On nous dit sur Futura Science, demain, peut-être piloterons-nous notre téléviseur ou l'autoradio de la voiture par nos ondes cérébrales. À l'aide d'un casque électroencéphalogramme à électrode sèche, la chaîne britannique BBC a en effet testé avec succès une application de contrôle permettant de choisir le programme que l'on souhaite regarder en utilisant uniquement la pensée. Un système encore rudimentaire, mais qui ouvre des perspectives sur le devenir des interfaces futures. La lecture de nos ondes cérébrales est décidément pleine de promesses. Donc, on apprenait récemment qu'une équipe était parvenue à restituer sous forme de texte des phrases complètes pensées en langage naturel. Une avancée importante susceptible de faire progresser les interfaces cerveau-machine pour pouvoir un jour peut-être communiquer avec un ordinateur ou un téléphone intelligent en langage parlé par la pensée. Si cette perspective est sans doute encore lointaine, par égard aux obstacles techniques à surmonter, d'autres applications sont envisageables à plus court terme, comme par exemple de piloter sa télévision par la pensée. L'expérience est actuellement menée par la BBC. La chaîne britannique a développé un prototype de système de contrôle par la pensée baptisé Mind Control TV. Et grâce à lui, les utilisateurs munis d'un casque à électroencéphalogramme peuvent ouvrir l'application BBC iPlayer depuis, puis ensuite sélectionner un programme télévisé à visionner en se servant uniquement de la pensée. La BBC a testé son prototype avec une dizaine de membres de son personnel. Les testeurs avaient le choix entre un mode de contrôle cérébral par la concentration ou par la méditation. Par exemple, en mode concentration, l'application BBC iPlayer affichait une barre de progression sur le côté de l'interface qui symbolise le niveau de concentration. Lorsque celui-ci atteint un certain pourcentage, l'application s'ouvre et bascule sur une grille de programme. La personne peut alors choisir parmi l'une des 5 émissions qui sont proposées. Chaque titre est mis en surbrillance durant 10 secondes. Lorsque le programme souhaité est en surbrillance, il lui suffit de se concentrer dessus durant ce laps de temps pour le lancer. Comme pour le système de détection des ondes cérébrales liées au langage et à la parole, ce dispositif pourrait aussi bien aider des personnes souffrant d'un handicap moteur lourd que déboucher sur des applications grand public. Deux domaines peuvent potentiellement bénéficier d'une telle innovation. Donc, on parle du premier, l'amélioration de l'accessibilité pour des personnes atteintes de maladies neuromusculaires ou victimes du syndrome de locked-in, c'est-à-dire qu'ils conservent toutes leurs facultés intellectuelles mais ne peuvent plus ni bouger ni parler. Un système comme celui-ci pourrait leur permettre d'accéder avec plus d'autonomie à des contenus multimédia, améliorant un peu leur quotidien. La seconde piste de développement pour le Mind Control TV est la création de nouvelles interfaces de contrôle pour le grand public. Il s'agirait par exemple de remplacer la télécommande du salon calée dans son fauteuil. On pourrait penser à la chaîne télévisée ou au nom du programme qu'on souhaite regarder. Ce type d'application rejoint celle qu'on évoquait sur Futura Science dans un article consacré à la technologie Brain to Text de lecture du langage naturel via les ondes cérébrales. Fallait voir le lien sur assemblagerequis.com. Pour terminer sur Internet, Netflix officialise le retour de Black Mirror, l'anthologie britannique Black Mirror, qui reviendra prochainement avec 12 nouveaux épisodes diffusés par Netflix. C'est ce qu'on a confirmé récemment. Les nouveaux épisodes, dont l'écriture a déjà commencé, seront à nouveau pilotés par Charlie Brooker et Annabelle Jones, créateurs et producteurs de la version originale. Diffusé de 2011 à 2014 sur la chaîne anglaise Channel 4, Black Mirror dénonçait le poids des nouvelles technologies et réseaux sociaux dans la société et alertait sur leurs risques. Au total, 7 épisodes ont vu le jour en Angleterre. L'anthologie avait remporté en 2012 un International Emmy Award dans la catégorie meilleure mini-série. Et pour clore Television, parlons un petit peu de code écoute pour la semaine du 7 au 13 septembre 2015. En position 15 à 6 en rafale au Québec, Penelope McQuaid et Jean-Luc Mongrain, le tricheur de la rentrée TVA. Oh, l'événement Jean-Marc Parent, Vlog, LOL, l'auberge chien noir, la poule aux odeurs, les dieux de la danse et 007 Skyfall. En 5e, les enfants de la télé. En 4e, Mesmer fascine les stars. En 3e, spécial Bloopers TVA. En 2e, les pêcheurs. Et en première place, le Dôme. Du côté du classement canadien, 15 à 6 en rafale, Criminal Minds, Zoo, NCIS, America's Got Talent, Sportsnet Central Evening, Under the Dome, Big Brother, CTV News et Big Brother. En 5e, c'est America's Got Talent. En 4e, The Big Bang Theory. En 3e, Baseball, des Blue Jays. En 2e, MasterChef. Et en première, c'est The Amazing Race Canada avec 2 769 000, alors qu'au Québec, le Dôme avait 1 046 000. Quand même. Et je crois que j'avais sous la main... Est-ce que je l'ai? Je crois que j'ai les codes d'écoute américaines. Oui, tiens. En 5e place, Big Brother du jeudi. En 4e, Bachelor in Paradise du lundi. En 3e, So You Think You Can Dance. En 2e, Under the Dome. Et en première place, c'est MasterChef. Ça, c'est les codes d'écoute aux États-Unis dans les 18-49, je crois. 18 à 49 ans, voilà. Plus 7 par rapport aux enregistrements numériques. Donc maintenant, on est rendu à retourner en chiptune. On va entendre une pièce de Amplifier, c'est un jeu de mots, je ne l'avais pas vu. Amplifier, voici California, un cover d'une chanson que vous allez certainement reconnaître. Certainement. MPS, le Mathieu Plante Show, 89 FM, c'est fou. La pièce California par Phantom Planet à l'origine est maintenant refaite par Amplifier. Voilà. Toujours Mathieu Plancho maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. On a beaucoup de choses à se dire. Commençons par le biomimétisme, en fait un bloc thématique. Même les organismes les plus modestes peuvent nous donner de belles leçons. C'est la morale de l'histoire qui va suivre, car c'est grâce au biomimétisme et à une idée soufflée par la nature, plus précisément par les diatomées des algues unicellulaires du plancton, que les chercheurs de Singapour ont réussi une prouesse technique et espèrent ainsi améliorer les performances des batteries au lithium-ion. Les scientifiques s'intéressant au biomimétisme savent qu'il y a beaucoup à apprendre du milieu marin, car même s'il est moins diversifié que le milieu terrestre, les espèces qui le peuplent sont en général plus spécialisées et par conséquent plus à même de leur apporter une réponse ciblée à un problème donné. Donc, des chercheurs de l'Agency for Science, Technology and Research de Singapour se sont inspirés de micro-algues unicellulaires, les diatomées, importants représentants du phytoplancton, pour développer des sphères de carbone présentant une structure poreuse hiérarchique. Le tout dans le but de mettre au point un nouveau type d'anode qui pourrait augmenter de manière significative les performances électrochimiques des batteries au lithium-ion. On rappelle que les batteries au lithium-ion représentent à l'heure actuelle l'une des meilleures solutions d'alimentation pour les appareils électriques mobiles tels que les appareils photo, les téléphones portables. Elles ont été mises sur le marché au tout début des années 1990 et occupent aujourd'hui une place dominante. Les batteries au lithium-ion équipent également les véhicules électriques, un secteur en demande d'une efficacité accrue, d'où l'importance des travaux de l'équipe de Singapour. Modifier la structure même de l'anode, c'est l'une des solutions à envisager pour augmenter l'efficacité des batteries. L'idée est de développer une anode faite de sphères de carbone dont les surfaces seraient microporeuses et qui présenterait entre elles des mésopores, donc des pores dont le diamètre est compris entre 2 et 50 nanomètres, qui permettrait de les relier en réseau, de quoi accélérer le déplacement des ions et offrir une grande capacité de stockage dans les sphères de carbone. Plus facile à dire qu'à faire. En fait, c'est pas tellement facile à dire, mais bon, une telle structure n'est pas si simple à mettre en œuvre. Sauf si on fait appel au biomimétisme et qu'on s'inspire de la nature, c'est l'idée du biomimétisme. Car dans les milieux aquatiques, les diatomées ont développé leur propre stratégie pour y parvenir. Des macromolécules organiques leur servent de guide pour orienter la précipitation de sphères de silice qui formeront ensuite la structure tridimensionnelle attendue. Se basant sur ce modèle, l'équipe de A-Star a utilisé des macromolécules formées à partir d'un agrégat de polymères et de molécules contenant du cobalt. Pour bâtir le squelette des sphères de carbone, ils ont fait appel à des molécules de sucre en forme d'anneaux. Celles-ci s'enfilent sur les chaînes de polymères et, après un traitement hydrothermal, forment des sphères de carbone souples. C'est ensuite par pyrolyse, le cobalt joue un rôle de catalyseur, que la graphitisation durcit les sphères. En ajoutant de l'urée avant... pyrolyse, les chercheurs ont pu obtenir des sphères de carbone dopées à l'azote. Pour l'instant, le procédé ne fonctionne qu'à l'échelle du laboratoire, mais les chercheurs de A-Star travaillent à son développement industriel. Toujours en biomimétisme, pour résoudre certains problèmes technologiques, les chercheurs et ingénieurs étudient avec de plus en plus d'attention les solutions trouvées par la nature. Grâce au biomimétisme, une équipe allemande envisage de développer des écrans parfaitement anti-reflets en s'inspirant des ailes transparentes du Greta Otto, qui est un papillon. Depuis des milliards d'années, la nature développe des stratégies efficaces grâce auxquelles les organismes s'adaptent à leur environnement. Eh bien, le biomimétisme dont on parlait tantôt consiste à étudier ces stratégies pour les transposer ensuite à un problème technologique, oui. Donc, le potentiel dormant dans le vivant est immense et les chercheurs et ingénieurs en prennent de plus en plus conscience. Une équipe allemande du Karlsruhe Institut für Technologie s'est intéressée récemment au Greta Otto, un papillon aux ailes transparentes qu'on trouve essentiellement en Amérique centrale. Celui-ci a développé une solution astucieuse pour échapper à ses prédateurs. Ses ailes ne reflètent pas la lumière car elles possèdent une nanostructure de surface irrégulière. En général, les matériaux transparents reflètent au moins une partie de la lumière incidente qu'ils reçoivent. Le verre, par exemple, reflète entre 8 et 100% de cette lumière. Certains animaux semblent avoir trouvé une solution pour réduire au maximum ces réflexions. Il s'agit cependant d'une solution partielle car les reflets ne disparaissent souvent que lorsqu'on pose un regard perpendiculaire sur eux. Les ailes du Greta Otto, quant à elles, ne reflètent pas plus de 2 à 5% de la lumière incidente, quel que soit l'angle sous lequel on regarde. Un phénomène donc qui s'étend au-delà du spectre du visible puisqu'il est également valable dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet. Pour comprendre ce phénomène, les chercheurs du Karlsruhe Institute ont observé les ailes du Greta Otto au microscope électronique à balayage. Ils y ont trouvé des nanostructures en forme de colonne. Rien d'étonnant jusque-là, puisque celle-ci avait déjà été identifiée comme responsable du faible taux de réflexion sous un regard perpendiculaire. Mais contrairement à ce qui avait pu être observé sur d'autres animaux, ces nanostructures sont de taille variée, entre 400 et 600 nanomètres de haut, et disposées de manière totalement irrégulière, entre 100 et 140 nanomètres d'espace entre deux colonnes. Les chercheurs allemands ont pu cartographier avec précision la répartition et la dimension des nanostructures à la surface des ailes du Greta Auto, de quoi vérifier par le biais d'un modèle mathématique que la quantité de lumière réfléchie observée peut bien être retrouvée par le calcul. Le Greta Auto semble donc être un animal fascinant, non seulement visuellement parlant, mais donc grâce à ses ailes transparentes, mais aussi scientifiquement parlant, dans un domaine où habituellement l'ordre prime, c'est en effet le chaos qui a pris le dessus. Cette particularité pourrait bien servir à développer des applications utiles à l'homme, notamment dans le cadre de développement de surfaces anti-reflets, qui en effet n'a jamais été agacé par l'affichage illisible de son téléphone portable en plein soleil ou dérangé par des reflets gênants dans ses lunettes de vue. Les chercheurs travaillent d'ores et déjà à la conception d'écrans inspirés des ailes du Greta Auto. Et ce type de surface a d'ailleurs d'autres avantages puisque ces nanostructures irrégulières s'avèrent également imperméables et auto-nettoyantes. Toujours en biomimétisme, des scientifiques se sont inspirés du poulpe pour concevoir un robot capable de rigidifier ou attendrir ses membres. L'outil pourra à la fois manipuler des organes avec une partie de son bras et opérer avec l'autre. Le dispositif pourra aussi réduire le nombre d'instruments nécessaires pour une intervention et donc le nombre d'incisions. Un robot médical qui se plie, s'étire et se faufile comme le bras d'une pieuvre. Tel est le prototype présenté par des scientifiques italiens dans la revue britannique Bioinspiration and Biomimetics. Le bras robotisé spécialement conçu pour la chirurgie mini-invasive est également capable de manipuler des organes mous sans les endommager. Une partie du bras peut maintenir un organe pendant qu'une autre opère. Le bras pieuvre est composé de deux modules identiques connectés entre eux. Ils sont divisés en trois chambres cylindriques qu'on peut diriger séparément. Et la pieuvre n'a pas de squelette rigide et adapte la forme de son corps à son environnement. L'objectif est de permettre à la chirurgie d'accéder à des parties exiguës de l'abdomen ou d'autres parties du corps. Comme l'octopode, le robot peut modifier la rigidité de son bras. D'outil rigide, il se transforme en outil flexible, un avantage certain par rapport aux instruments chirurgicaux traditionnels. Selon les chercheurs de l'École supérieure Sainte-Anne de Pise, à l'origine de l'invention, le dispositif pourrait réduire le nombre d'instruments nécessaires pour une intervention et donc le nombre d'incisions. Des tests montrent que le bras du robot peut se plier jusqu'à un angle de 255 degrés et s'étirer jusqu'à 62 % de sa longueur initiale. Sa rigidité peut augmenter de 60 à 200 %. Des simulations d'opérations avec des ballons remplis d'eau pour représenter les organes du corps humain démontrent que le robot est capable de manipuler des organes en même temps qu'il opère. D'autres chercheurs en robotique chirurgicale se sont déjà inspirés du monde animal et ont créé des machines imitant par exemple le serpent ou la trompe d'éléphant. Donc le biomimétisme, c'était notre petite thématique en début de chronique. Des chercheurs ont mis en évidence le mécanisme par lequel la caféine peut repousser l'heure du sommeil le soir et perturber ainsi l'horloge interne. Des applications sont envisageables pour aider les grands voyageurs à lutter contre les effets d'un décalage horaire. Le café est déconseillé le soir à ceux qui veulent s'endormir tôt, c'est quand même assez connu, mais les mécanismes scientifiques de ce phénomène manquaient encore à l'appui. Des chercheurs de l'Université de Colorado Boulder aux États-Unis ont donc voulu en savoir plus et montrer comment l'horloge interne de cellules humaines pouvait être influencée par la caféine. Pour ce faire, ils ont étudié les effets de la caféine sur l'horloge interne in vivo et in vitro. Leurs travaux sont décrits dans un article paru dans la revue Science Translational Medicine. L'équipe a recruté 5 personnes, 3 femmes et 2 hommes, qui ont suivi un protocole durant 49 jours. Avant l'heure du coucher, ils ont testé plusieurs conditions. Dans une situation de faible ou de forte luminosité, les participants ont dû absorber soit une pilule placebo, soit 200 mg de caféine, c'est-à-dire la dose correspondant à un double espresso. Des échantillons salivaires de chaque participant ont été prélevés régulièrement pour mesurer leur niveau de mélatonine, une hormone produite par la glande pinéale qui joue un rôle dans le cycle circadien de l'organisme. En effet, le taux de mélatonine dans le sang augmente lorsqu'on se met en phase nuit et diminue lorsque l'organisme passe en activité de jour. Les personnes qui ont pris de la caféine en faible luminosité ont eu un décalage de 40 minutes dans leur rythme jour-nuit par rapport à ceux qui avaient pris le placebo dans les mêmes conditions de luminosité. La lumière intense seule ou combinée avec la caféine a repoussé l'horloge interne de 85 minutes et 105 minutes respectivement. Ça signifie que le délai induit par la forte luminosité était le double de celui provoqué par la prise de caféine seulement. De plus, les chercheurs ont utilisé des cultures cellulaires pour savoir si la caféine agissait directement sur le récepteur de l'adénosine qui favorise le sommeil. Les chercheurs ont alors observé que la caféine pouvait bloquer les récepteurs cellulaires et du neurotransmetteur adénosine. Donc la caféine agit directement sur le cycle jour-nuit des cellules. Pour un professeur à l'Université de Colorado Boulder, Cette étude est la première à montrer que la caféine, la molécule psychoactive la plus largement utilisée dans le monde, a une influence sur l'horloge circadienne humaine. La caféine repousse donc l'horloge interne et l'horloge interne qui cale les horaires de veille et de sommeil. Non seulement ce résultat explique pourquoi ceux qui boivent des cafés la nuit s'endorment et se réveillent plus tard, mais ce travail pourrait aussi avoir des conséquences pour les grands voyageurs. L'utilisation bien réfléchie de la caféine pour les aider à décaler leur cycle du sommeil lorsqu'ils prennent un avion en direction de l'ouest. Vers l'heure qui, dans le fond, est plus tard, donc ça finit plus. Bon, c'est un peu mêlant, les fuseaux horaires. Hein. Maintenant, des implants dans le cerveau pour améliorer la mémoire. Donc, les chercheurs ont annoncé avoir réussi à influer sur la mémoire d'individus grâce à des implants intégrés au cerveau des patients. Ces implants électriques ont amélioré le score des patients aux tests de mémoire. C'est ce que dit la DARPA, l'Agence américaine de recherche dépendante de l'armée, dans un communiqué intitulé RAM, pour Restauration active de la mémoire, mais qui est également l'acronyme de la mémoire vive utilisée dans les ordinateurs. Le projet a démarré l'an dernier, donc en février 2014. 12 volontaires ont participé au test. On leur a implanté ces systèmes électroniques à l'occasion d'une opération de chirurgie au cerveau, mais aucun des patients n'avait de problème de mémoire. Le communiqué de la DARPA ne rentre pas trop dans le détail de l'expérience, car celle-ci doit encore être revue par des pairs et publiée dans des journaux scientifiques, mais des puces de ce type ont déjà été implantées dans des cerveaux d'animaux. Par contre, sur l'homme, c'est une première. Les électrodes sont placées dans les régions du cerveau s'occupant de la mémoire déclarative, permettant de se rappeler une liste de commissions de course, et de la mémoire spatiale. Ces implants permettent aux scientifiques de lire ce que fait le cerveau quand il apprend quelque chose et se souvient de cette chose ou quand il se trompe. À côté de ça, il est aussi possible, via ces implants, d'envoyer une mini-décharge électrique, un signal spécifique au moment du souvenir. Les résultats préliminaires montrent qu'il est effectivement possible de capturer et d'interpréter les signaux clés ou le code neural provenant du cerveau humain et d'améliorer le souvenir en envoyant une stimulation électrique au cerveau. Pour l'agence, l'objectif premier consiste surtout à aider les patients ayant des troubles de la mémoire suite à des traumatismes ou à une pathologie. Enfin, la DARPA fait état d'un nouveau projet encore plus fou qui s'appelle Programme de rediffusion RAM. Le but de cette nouvelle expérience, c'est d'utiliser des technologies pour nous aider à apprendre plus vite et réaliser des tâches physiques. Des compétences complexes peuvent prendre des années à être maîtrisées. C'est pas juste une question de répétition d'un mouvement physique, disent-ils. Et plusieurs études tentent à prouver que les phases du repos et de sommeil aident à consolider nos compétences. Voilà. C'est une première mondiale maintenant. Un Autrichien privé d'une de ses jambes a réussi à apercevoir la sensibilité du membre perdu. Une sensation en effet recréée grâce à une prothèse. Une invention qui permet aussi de lutter contre les douleurs fantômes dont souffrent beaucoup d'amputés et de redonner ainsi de l'espoir. 6 mois après l'implantation, Wolfgang Ranger court, fait du vélo et même de l'escalade. Quand il se déplace, son boitement est à peine perceptible. Ce résultat spectaculaire est le fruit d'une technique associant le déplacement de faisceaux de nerfs. Et la mise en œuvre de capteurs sur une prothèse connectée d'un nouveau type. Dans le cas du patient, donc les médecins ont repris au centre du moignon des terminaisons nerveuses conduisant initialement au pied amputé. Ils ont ensuite dévié à la surface de la cuisse, à l'endroit où celle-ci est en contact avec le haut de la prothèse. La jambe artificielle comporte de son côté des capteurs sous la plante du pied, reliés à d'autres cellules appelées des stimulateurs qui sont au contact du moignon. C'est l'information transférée, c'est un terme médical en passant, un moignon. C'est pas pour rire de personne, c'est le terme médical. C'est l'information transférée entre les capteurs et les stimulateurs qui permet de simuler et finalement reproduire la sensation du membre perdu. À chaque pression sur le sol, le pied artificiel de Wolfgang Ranger adresse désormais un signal précis à son cerveau. Le médecin autrichien avait déjà innové en 2010 en présentant une prothèse de bras contrôlée par la pensée grâce à la mise en place d'une connexion entre les nerfs moteurs et la prothèse. Cette fois, le principe est le même, mais le parcours est inverse et l'information part de la prothèse pour aboutir au cerveau. Outre pas beaucoup plus assuré, la prothèse de jambe testée à Linz offre à son porteur un second avantage, au moins aussi important à ses yeux. Elle a mis fin en quelques jours à peine aux insoutenables douleurs fantômes qu'il avait dû supporter pendant des années après avoir perdu sa jambe. Une sensation de souffrance aux membres qu'on n'a plus fréquemment observée découle d'une hypersensibilité se développant progressivement dans le cerveau qui est en quelque sorte à la recherche du membre amputé. La douleur fantôme est aggravée par le souvenir traumatique de l'accident ou de la maladie qui a conduit à l'amputation. La prothèse sensible y remédie en adressant à nouveau des informations au cerveau, mettant fin à sa recherche perpétuelle et fructueuse. C'est comme dans Windows quand tu te demandes tout le temps de chercher le pilote de quelque chose. Si tu installes un pilote bidon, ben, à un moment donné, il va arrêter. Hein? Wow, quelle belle analogie, j'en reviens pas. Le coût de l'équipement prototype est évalué entre 10 000 et 30 000 euros. Dans ce cas-ci, j'ai pas mon traducteur de données encore. Son industrialisation serait déjà possible, mais l'équipe de Linz veut d'abord se donner plus de recul sur les résultats obtenus avec le premier patient. Voilà. 30 000 euros en dollars canadiens, ça donne 44 700 dollars canadiens. Voilà. En utilisant un système de projection laser femtoseconde, une équipe de chercheurs basée au Japon a créé des hologrammes en 3D qu'on peut toucher sans risque de brûlure et que les doigts ressentent comme un objet matériel. On reste dans le toucher. La démonstration technique est probante, mais les applications concrètes encore lointaines. Très présent dans les récits de science-fiction, les hologrammes en 3D sont désormais techniquement réalisables et pourraient même prochainement arriver dans nos téléphones intelligents et tablettes tactiles. Parmi les solutions techniques figure l'accélération laser plasma qui a l'avantage de créer des hologrammes visibles sous tous les angles. L'an dernier, on avait parlé sur Internet du système d'hologrammes par laser de la société Burton au Japon, capable de produire des objets en 3D flottant dans les airs. Chaque voxel, qui est comme un pixel mais en trois dimensions, composant l'image, est un plasma lumineux produit par un laser qui, focalisé par une lentille, surchauffe les molécules d'oxygène et d'azote dans un volume très petit. Ces lasers pulsés travaillent à l'échelle de la nanoseconde. Or, à cette fréquence, l'énergie du plasma est si élevée qu'elle peut brûler la peau si on touche à l'hologramme. Mais au Japon, le Digital Nature Group, une équipe composée de chercheurs des universités de Tokyo, Tsukuba, Utsunomiya et de l'Institut de technologie de Nagoya, a trouvé le moyen de produire des hologrammes en 3D qu'on peut toucher et même ressentir. Selon les spécialistes qui s'expliquent dans leur article scientifique à lire sur Arxiv, montrent pour que la pulsation laser ne soit pas dangereuse pour la peau, il faut que sa durée soit inférieure à 2 secondes. Et pour ça, ils ont donc accéléré la vitesse de la projection en passant à des lasers dits femtosecondes. Une femtoseconde équivaut à 10 à la moins 15 secondes. Ça se peut, ça? Je pense que oui. Le système se compose d'un modulateur spatial de lumière qui dirige les rayons laser à travers une série de lentilles, d'un miroir et d'un scanner galvanométrique pour contrôler avec précision la projection. Une caméra placée à hauteur de l'hologramme détecte les mouvements afin que l'image réagisse au toucher. Les pulsations laser comprises entre 50 millisecondes et 1 seconde ne provoquent pas de brûlure. Et lorsque le doigt entre en contact avec l'hologramme, le plasma génère des ondes de choc qui produisent une sensation de toucher. Selon le professeur Yochui Hochiai, qui dirige le projet, l'effet ressenti serait proche de celui d'un contact avec du papier de verre. Ces hologrammes 3D ont une résolution de 200 000 points par seconde. Pour le moment, ils sont minuscules, puisque leur volume ne dépasse pas les 8 mm cubes. À l'heure actuelle, il s'agit avant tout de ce que les chercheurs appellent une preuve de concept, illustrant la faisabilité. Pour qu'une telle technologie puisse déboucher sur des applications concrètes, il va falloir augmenter la taille d'affichage et par conséquent celle du dispositif de projection, avec un travail spécifique sur le modulateur spatial de lumière. C'est ce à quoi les chercheurs du DNG disent vouloir s'atteler, sans livrer de feuille de route précise, donc on ne sait pas ça s'en vient pour quand exactement. Face à une intervention chirurgicale, la musique a un effet bénéfique sur les patients. Ce qui n'est pas une surprise, mais cette étude mesure le phénomène sur des milliers de personnes et des milliers de morceaux de musique. En compilant 172 études portant sur 7000 personnes au total, une équipe de chercheurs britanniques a montré que les patients opérés en musique étaient moins anxieux, avaient moins de douleurs post-opératoires et prenaient moins de médicaments analgésiques que ceux qui n'y avaient pas eu droit. Ils se montraient également plus satisfaits globalement et le résultat vient d'être publié dans la revue The Lancet. L'effet sur l'anxiété et la douleur était perceptible que lorsque la musique avait été entendue avant, pendant ou après la chirurgie, avec toutefois un avantage pour la musique entendue avant l'intervention. Toutes les musiques testées, 4261 titres au total, se sont révélées efficaces, même si les auteurs relèvent un bénéfice accru, mais non significatif pour les morceaux choisis par le patient. L'effet a également été relevé sous anesthésie générale, mais était un peu plus important lorsque les patients étaient conscients pendant l'intervention. La musique a également permis de réduire le recours aux médicaments antidouleurs. Elle n'a en revanche pas permis de diminuer la durée d'hospitalisation des patients, selon les chercheurs. Interrogée par l'agence France Presse, la docteure Catherine Mies de l'Université Brunel au Royaume-Uni, qui a dirigé l'étude, a expliqué que la réduction de la douleur était d'environ 1/5 sur une échelle qui va de 0 à 10, soit une diminution cliniquement significative. Elle ajoute que les patients devraient à l'avenir être autorisés à choisir le type de musique qu'ils souhaitent entendre, mais reconnaît que des dispositions doivent être prises pour éviter que celles-ci interfèrent dans la communication entre les membres de l'équipe médicale. Dans un commentaire joué à l'étude, le docteur Paul Glasiou de l'Université Bond en Australie note que les conclusions de l'étude rejoignent des essais déjà menés sur des patients sous ventilation artificielle ou hypertendue, dont les symptômes ont baissé d'intensité sous l'effet de la musique. Mais il note qu'il est difficile à ce stade de préciser si l'effet est dû à la relaxation, à la distraction cognitive ou à tout autre mécanisme. C'est certain que si on écoute quelque chose comme Rouge FM, on va plus être fâché que d'autres choses. Et compte tenu de la grande variété des bénéfices répertoriés dans l'étude, il suggère de déterminer comment on pourrait à l'avenir en tirer le meilleur parti. Et finalement, des chercheurs ont provoqué une douleur sur le bras de volontaires qu'ils ont soulagé avec un soi-disant médicament. Quand les patients ont su au bout de 4 jours qu'il s'agissait d'un placebo sans principe actif, l'effet analgésique a persisté malgré tout. Donc, imaginez un médicament que vous savez inutile et qui fonctionne quand même. N'est-ce pas un peu déroutant, nous demande Futura Science. Pourtant, un tel effet a bien été mis en évidence dans une expérience réalisée à l'Université de Colorado Boulder aux États-Unis, qui permet de mieux comprendre certains aspects de l'effet placebo. Dans un article paru dans The Journal of Pain, les scientifiques décrivent l'expérience qu'ils ont menée sur 40 volontaires. Les chercheurs leur ont expliqué qu'ils participaient à une étude comparant les effets d'une crème contenant un composant analgésique, en réalité c'était un placebo, et d'une crème sans ingrédient analgésique qui était le contrôle. Les deux crèmes étaient identiques, la seule différence était l'ajout d'un colorant bleu dans la crème placebo. Et pour leur faire croire qu'il s'agissait d'un vrai médicament, les chercheurs ont fait lire aux participants la composition du médicament. Ils leur ont aussi donné des informations sur les précautions à prendre et les effets secondaires possibles. L'emballage de faux médicaments ressemblait à celui d'un vrai médicament. Lors de l'expérience, les scientifiques ont provoqué une douleur par la chaleur sur l'avant-bras des participants sans leur brûler la peau. Ces douleurs devaient être soulagées par la crème fournie. Chez 20 participants, l'expérience a été renouvelée sur 4 sessions et sur 4 jours différents au cours desquels les participants ne savaient pas qu'ils utilisaient un placebo. Les chercheurs ont comparé les effets de ce conditionnement long de 4 jours à un conditionnement court d'un jour. Ensuite, lors de la phase de test, les scientifiques ont révélé aux volontaires qu'en réalité, ils prenaient un placebo. Résultat, l'analgésie due au placebo persistait même quand les sujets savaient qu'ils recevaient un placebo, mais seulement dans le groupe qui avait été conditionné pendant 4 jours. La clé de la réussite est donc que les patients doivent avoir suffisamment eu de temps, donc 4 sessions dans ce cas-ci, pour être conditionnés au fonctionnement du placebo. Ensuite, même après que les chercheurs leur aient révélé qu'ils prenaient en fait un placebo, leur douleur était toujours soulagée. Ces résultats suggèrent qu'il existe un effet placebo basé sur le conditionnement plus que sur l'attente du patient d'être soulagé, et ça montre l'importance de l'expérience vécue par le patient. L'explication pour un des auteurs de l'étude est que le conditionnement permet au cerveau d'apprendre de répondre au traitement, d'apprendre à répondre au traitement. Je cite, « Une fois que l'apprentissage a eu lieu, votre cerveau répond toujours au placebo, même si vous n'y croyez plus. Les placebos induisent la libération de substances qui soulagent la douleur dans le cerveau, mais nous ne savons pas encore si cet effet placebo dépendant des attentes utilise le même système ou des systèmes différents. » Ces résultats pourraient trouver des applications pour le traitement et la prévention des addictions aux médicaments. En effet, des patients qui ont subi une opération continuent parfois de prendre des antidouleurs puissants et pouvant entraîner une dépendance. Si un patient a fait l'expérience qu'un médicament fonctionne, il serait possible de le sevrer en utilisant un effet placebo sans lui dire. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Que d'apprentissage dans cette chronique-là. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On retourne entendre du chiptune. Je vous propose la musique de Ampli. Hein? Ampli. Voici Untitled, super original. MPS, c'est le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou! We'll be right back. c'est fou 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Makeshift avec Press Start Original Mix. Quatrième chanson du nouvel album Press Start pour cet artiste Makeshift. Vous pouvez télécharger ça sur soundcloud.com. Non, c'est pas la musique de Tetris. C'est pas la musique de Tetris, même si Tania Beaudin dit. Elle ouvre la porte et elle me dit: écoute, t'es-tu en train de jouer à Tetris? Là, là, là, là. Non, mais hey, la chanson, elle durait combien de temps exactement? 4 minutes quelque chose, genre. Ça, c'est intense. C'est intense. Tu ferais jouer une game de Tetris complète là-dessus, c'est sûr. 4 minutes 18. C'est pas super que ça. OK, c'est pas super bon. Que ça. Talia Beaudin qui a passé l'assemblage requis, qui a passé de faire intrusion au palmarès. C'est fou, qui en plus doit faire intrusion dans l'émission qui s'appelle le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. J'ai jamais entendu parler du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante ainsi que Talia Beaudin. Intrusion. Intrusion. Voici le segment Geek Célix. C'est Eric, c'est la chronique, le segment geek, la chronique, le bulletin de l'Internet, des technologies et des trucs comme ça, informatique, jeux vidéo, Commençons avec un logiciel capable de détecter la douleur sur le visage des malades. Un logiciel pour mesurer la douleur donc, d'une personne souffrante pourrait être bientôt possible grâce à un algorithme développé par un groupe de chercheurs américains. Les chercheurs de la UC San Diego ont conçu un algorithme qui, combiné à une caméra, est capable d'évaluer le niveau de douleur ressenti par un patient en se basant sur des expressions faciales. Je cite, « Les expressions du visage sont des biomarqueurs sensibles capables de témoigner de la présence et de la sévérité de la douleur. La vision par ordinateur et l'apprentissage de la machine s'avèrent suffisamment fiables pour mesurer les expressions faciales par l'intermédiaire de la vidéo. » L'algorithme est donc capable d'enregistrer et d'apprendre à partir des expressions faciales d'un patient pour interpréter au cas par cas les différents seuils de douleur. L'étude a été menée via 50 vidéos de jeunes patients pédiatriques entre 5 et 18 ans, alors qu'ils étaient dans l'attente d'une opération de l'appendicite. En comparant les résultats du logiciel aux observations menées habituellement par le personnel médical et les parents, les chercheurs ont obtenu des conclusions similaires démontrant l'efficacité de leur système. Les scientifiques estiment qu'un tel système pourrait permettre de surveiller en temps réel la douleur chez les patients, en complément des autres mesures effectuées dans les hôpitaux. Alors, ça rappelle un petit peu le robot médical Baymax dans le film Les Nouveaux Héros, mais tu vois, moi, je connais pas le cinéma, donc je pourrais pas te dire, mais apparemment, que ça ressemble à ça. Ah, c'est hot, quand même. C'est vraiment cool, hein? On voit les sourcils, entre autres, dans les photos qui montrent. Okay, bon, les sourcils, ouais. Veut dire que, bon, la personne a mal, des trucs comme ça. Le groupe américain qu'on appelle communément Google, hein, oui, a déposé un brevet au sujet d'une technologie permettant de prendre un cliché avec ses propres doigts. Hein, pour réaliser une photo, l'utilisateur devra utiliser un dispositif ressemblant de près ou de loin à des lunettes connectées. Il va pouvoir prendre des photos en mettant ses doigts dans un cadrage photo avec un clic. Ben voyons. Donc, un brevet au sujet d'une technologie permettant de réaliser des photographies en cadrant, le cliché avec ses doigts. La firme américaine pourrait introduire ce mécanisme au sein de ses prochaines lunettes connectées. Le principe est simple, il suffit de placer ses doigts devant soi de manière à ce qu'il soit visible par la caméra intégrée dans les lunettes. Voilà. Donc, le brevet définit également plusieurs fonctionnalités comme celle de zoomer ou de recadrer une image isolée pour se faire des commandes vocales ou quelques gestes devraient permettre de réaliser ces quelques opérations simples de montage. Les expressions, hein, « Tu veux mon doigt? » Hein? C'est ça? Ah, hey, c'est, on peut dire ton doigt dans la caméra. C'est ça. Il est donc possible de prendre une photo de forme ronde, rectangulaire ou tout simplement carrée. Le brevet ne précise cependant pas avec quel dispositif de lunettes connectées la technologie est appelée à fonctionner. On reste en photo, l'appareil photo qui vous impose une certaine originalité. Hein? Donc, chaque fois qu'un événement météorologique exceptionnel survient, par exemple, que ce soit une accumulation de neige ou un festival d'arc-en-ciel, hein, tout le monde poste des photos pareilles. Hein, le magazine Wired a publié un article à propos du concepteur allemand Philipp Schmidt et de son idée de génie. Elle se nomme Camera Restrica et c'est un appareil photo conçu pour conserver uniquement des clichés originaux. Vous souhaitez prendre une photo de la Tour Eiffel, oubliez ça, c'est l'appareil idéal pour les puristes qui ne veulent pas être pris en flagrant délit de tourisme. Ça nous dit que c'est une caméra avec un positionnement GPS. Ça évalue plus de 35 photographies tirées de Flickr et de Panoramio afin de s'assurer que vous êtes sur le point de prendre un cliché qui sort de l'ordinaire. Lorsque c'est pas le cas, l'obturateur se rétracte et vous empêche de commettre le crime. C'est un peu méchant, par exemple. C'est de la censure. Ça va peut-être se retrouver éventuellement sur quelque chose comme Android ou iOS comme application. Si c'est pas nécessairement une caméra qu'on va avoir dans les mains spéciales, ça pourrait être une application aussi. Ça me surprendrait même pas. Exactement. Le pôle de compétitivité Aquinetic en Aquitaine a rassemblé une vingtaine de partenaires qui ont conçu un véhicule électrique et connecté sur la base d'une plateforme open source baptisée Ampoule, comme une ampoule. Hein. Cette citadine compacte, une voiture de 4 places, serait vendue en kit expédié par la poste. Son assemblage par deux professionnels ne prendrait pas plus de 4 heures environ. Jean-Christophe Hino, directeur de Aquinetic, a répondu aux questions de Futur à Science. Vous pouvez voir l'article sur assemblagerequis.com. On parle donc d'une voiture qui serait livrée en paquet par la poste. Ça me rappelle vraiment quand j'avais une co-animatrice à cette émission-là et que tout ce qu'elle faisait, c'était des... Tu vois qu'il n'est plus là non plus. C'est une joke. Mais je faisais juste une intrusion dans ton émission. Okay, là, c'est comme correct. Du coup, elle n'aime pas. J'aimerais ça avoir deux personnes qui font ça en même temps, des intrusions dans l'émission. Oh! Ils font des « Ah! » en cœur à chaque fois. Ce serait drôle, il me semble. Elle n'a pas l'air si down que ça. Non, c'est ça, elle n'est pas down. Non, pense-y même pas. Une jeune entreprise innovante australienne, EVX, fait le pari de pouvoir commercialiser une voiture de sport à énergie solaire. L'immortus est un coupé, deux places, qui pourrait en théorie rouler indéfiniment grâce à ses 7 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Il ne s'agit pas pour le moment que d'un projet qui, s'il voit le jour, s'adressera à une clientèle fortunée capable de débourser des centaines de milliers en fait de dollars pour s'offrir une voiture unique en son genre. Il y a une affaire, je me suis toujours demandé avec ce genre de technologie-là, okay. Est-ce que ça fonctionne? T'sais, exemple, présentement, là, il fait quand même sombre, mais c'est clair. Mais est-ce que pour eux, c'est du soleil? Je me le demande aussi. J'imagine qu'on doit emmagasiner de l'énergie pour plus longtemps que seulement le présent. T'sais. S'il mouille pendant 7 jours, tu ne sors pas de chez vous? Ah, c'est ça. Il ne doit pas falloir habiter en Grande-Bretagne pour ça. Ils ne feront pas... grandes affaires là-bas. Mm-hmm. Alors que la voiture la plus endurante qui soit pouvant rouler aussi longtemps qu'il y a du soleil. Donc voilà, c'est ce que promet l'Immortus. Il s'agit d'un projet de voiture de sport dont les moteurs électriques seront alimentés par une combinaison de batteries et de panneaux solaires répartis sur la carrosserie. Donc on peut recharger les batteries en même temps. L'idée est portée par la jeune pousse australienne EVX qui a reçu le soutien de l'Université de technologie Swinburne. Si elle parvient à réunir les 1,5 million de dollars dont elle a besoin, EVX pense pouvoir commercialiser l'Immortus, qui serait alors la première voiture de série à énergie solaire. Et on s'entend que le mot Immortus, c'est vraiment cool. Ouais, c'est quand même hot, hein? C'est malade, ça. Des chercheurs conçoivent un robot capable d'assembler ses bébés et de les perfectionner. Des chercheurs de l'Université de Cambridge ont mis au point un robot capable de se construire des enfants et d'apprendre des progrès de ses récréations pour perfectionner les suivants. Un robot capable d'avoir des enfants, donc c'est la description avancée par les chercheurs de l'Université de Cambridge. Elle est cependant à prendre avec des pincettes. Le réel intérêt de leur robot, ce n'est pas qu'il est capable d'en fabriquer d'autres, c'est rien de vraiment nouveau, mais qu'il peut suivre l'évolution de ses créations dans le but de perfectionner les suivants. Concrètement, le robot est capable d'assembler des modules actifs et passifs en les collant les uns aux autres grâce à son bras. Le robot maman fonctionne grâce à un algorithme développé par des chercheurs basés à Cambridge et à Zurich. Lorsque le robot enfant est conçu, il est mis en fonctionnement et à l'aide d'une caméra, son créateur analyse sa capacité de mouvement et peut alors optimiser son prochain bébé en apprenant de ses erreurs. Ce qui rend l'expérience d'autant plus impressionnante, c'est que la démarche est effectuée par le robot sans intervention humaine ni simulation informatique externe. Un robot capable de perfectionner petit à petit sa création, une démarche qui n'est pas sans rappeler la théorie de la singularité technologique de Raymond Kurzweil, un théoricien et futurologue qui travaille présentement chez Google en tant que directeur de l'ingénierie. Il pense que les machines et l'intelligence artificielle finiront par arriver à un tel degré d'autonomie qu'elles n'auront plus besoin de l'homme pour se perfectionner. Le reste des détails sur assemblagerequis.com. Je suis pas tout à fait contre son idée. Non? Les robots qui deviennent maîtres du monde un jour? Ben, peut-être pas maîtres du monde, mais tu sais, qui vont apprendre d'eux-mêmes puis ça va se faire tout seul. Oui, à la place d'avoir à perdre du temps là-dessus. Hein. Ouais. Arrangez-vous donc. Ouais. Hey, sérieux, pourquoi je t'ai créé? C'est comme un enfant, c'était pas pour aller me chercher une bière, hein? Tu sais quoi, hein? Puis les femmes, vont me faire un sandwich. Non, bon, on voit l'opinion de Mathieu sur les enfants. C'est absolument et pas. C'est absolument pas mon opinion du tout. On s'entend là-dessus. C'est de l'amour! C'est de l'humour! Un jardinier français, tiens. Un jardinier français, pour la première fois, un Français a été distingué lors du concours Google Science Fair qui récompense chaque année de jeunes inventeurs. C'est Elliot Saray, 14 ans. Elliot Saray? Sarah? Ouais, je t'avouais. Non, j'ai rien dit, là, c'est toi. Moi, j'ai rien dit. Ben voilà, qui a dit quelque chose? J'ai répété ce qu'elle t'a dit. La troisième personne, invisible dans le studio. Ben oui. A reçu le prix Incubateur avec son projet Bot to Carrot, un potager cultivé par un robot capable de biner, de repiquer et d'arroser les plantations. Hein? J'ai vraiment beaucoup de cœur en tête. Ouais, je sais. Chaque année, Google organise un concours scientifique ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans qui récompense des projets individuels ou en équipe dans des domaines très divers. L'informatique, la santé, la robotique, l'environnement. L'édition 2015 du concours a distingué 9 lauréats, parmi lesquels un Français, Elliot Saray. C'est une première depuis la création de ce concours en 2011. J'aime l'effet d'écho qu'il y a derrière ma voix. Quand je dis Saray, tu dis Saray. L'adolescent de 14 ans qui vit à Marron, en Meurthe-et-Moselle, s'est vu décerner le prix Incubateur pour son projet Bot to Carrot, un potager installé dans des bacs dont les plantations sont entretenues par un robot contrôlé via un téléphone. Le vainqueur du concours est un jeune Américain de 16 ans, une jeune Américaine, pardon, Olivia Alice, qui a inventé une carte d'analyse pour détecter le virus d'Ebola. Ah, ouais. C'est quand même cool. IBM travaille actuellement à adapter sa plateforme d'intelligence artificielle Watson à la langue française, un projet financé par une banque de l'Hexagone à hauteur de plusieurs millions d'euros, qui devrait aboutir dans le courant de l'année prochaine. C'est une chose de traduire une langue, c'en est une autre de raisonner avec. Ce constat, IBM est en train de le faire avec Watson, son système d'intelligence artificielle. L'entreprise américaine cherche en effet à le franciser afin qu'il puisse trouver des débouchés dans l'Hexagone. Initialement prévu cet été, l'arrivée de Watson en France devrait finalement survenir dans le courant de 2016. entreprises. Le secteur bancaire se montre très intéressé par Watson. On évoque des contrats s'élevant à quelques dizaines de millions de dollars. Il y a aussi des liens qui se tissent dans le secteur de la santé, les centres d'appel et la distribution sur le site Usine Digital. Des noms comme Boursorama et l'assistance publique des hôpitaux de Paris sont cités, ainsi que de nouvelles compagnies. La réalité virtuelle veut se projeter au-delà des jeux vidéo. Elle fait rêver les amateurs de jeux vidéo, mais la réalité virtuelle ambitionne aussi des applications plus larges dans les communications, l'éducation, la médecine ou l'architecture. Ce secteur espère décoller avec la commercialisation au grand public des casques de la filiale de Facebook Oculus et de Sony, le projet Morpheus qui a été rebaptisé récemment PlayStation VR. Comme les dispositifs s'adaptant déjà sur les téléphones intelligents, Sony et Oculus se lancent en mettant surtout l'accent sur les jeux vidéo, mais certains développeurs envisagent des utilisations plus productives. Le patron fondateur d'Organic Motion, Andrew Chesnok, cible ainsi le blogueur sur YouTube, CNN, les médias traditionnels, en passant par la télé-réalité pour la réalité virtuelle. Il le décrit comme l'équivalent pour la réalité virtuelle de l'écran vert devant lequel on filme aujourd'hui des acteurs ou des présentations de télévision afin de les incruster dans un décor numérique. Tu vois, il n'y a pas juste toi qui fais les intrusions, Sonia. Le dispositif assez encombrant repose sur 14 caméras installées autour d'un espace vide d'au moins 9 mètres carrés. L'image en mouvement des personnes qui y pénètrent est capturée en 3 dimensions et intégrée en direct dans une vidéo de réalité virtuelle. On envisage de s'en servir, par exemple, pour guider un spectateur sur une reconstitution de scènes de crime. Ce serait vraiment cool de pouvoir genre avoir comme un genre de CSI où tu aurais genre le casque de réalité virtuelle sur toi puis tu peux enquêter sur une scène de crime. Ça serait vraiment cool, mais en fait, à Vegas, tu peux faire ça. Mais je sais pas si t'as un casque virtuel, mais en fait, tu peux recréer une scène de CSI. Puis, Si t'as pas le casque, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr, mais c'est comme ce dont on parlait dans l'assemblage requis. C'est quoi ça? C'est hier matin, je pense. Assemblage requis, dis-moi en plus. Notre émission du matin, quoi. Ah oui, OK. Tu sais, là, le jouet... Lundi au jeudi, de 16h30 à 9h30, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Okay. Non, mais je fais pas de l'autopromo, là. Je parle de la bébelle qu'on a parlé pour les hommes qui prenaient un casque de vision, justement. Oui, avec une paire de fesses que tu fais gifler, là. Oui, c'est ça. C'est de twerker bot. Twerking bot, on parle vraiment de n'importe quoi à cette émission. Ouais, là. C'était ça. Ça a bon, par contre, l'émission. Oui, l'émission, oui, je suis d'accord avec toi. Pas le jouet, par exemple. Non. Mais c'est tout, Mathieu Plante, je me désincruste de ton émission. OK, tu t'en vas de même, toi? Ben oui, je m'en vais de même. OK, ben je vais finir tout ça. J'ai dit que je faisais une intrusion dans ton émission. Une incrustion? Une incrustion. Une extinction de voix? Tu vois, mon cerveau t'a off, je dois m'en aller. Tu fais bien. Tu travailles trop, Tania. Bonne fin de show, Mathieu Plante. Merci beaucoup, Tania Baudin, d'Assemblage Requis, le jeudi, 6h30 à 9h30. On imprime de la chair en 3D maintenant, de la chair humaine. Oui, c'est possible. Grâce aux imprimantes 3D, on peut désormais fabriquer à moindre coût. On a parlé d'une paire de fesses tantôt qu'on pouvait gifler. Donc, oui, de la chair humaine par imprimante 3D. Hein? Donc, c'est le pari de BioBots, une start-up américaine qui vend depuis le début du mois de septembre une imprimante 3D d'un genre bien particulier. Donc, ce sera porté par Quartz. Pour 10 000 $ il est possible d'acheter une petite imprimante de 20 cm de côté, BioBot One. Sa particularité, c'est qu'elle imprime des tissus vivants. Un peu comme une imprimante 3D classique, couche par couche de bio-encre, la machine crée un objet en 3D et fait de tissu humain. Lors de la présentation publique du projet en mai dernier, durant une conférence organisée par TechCrunch, le fondateur de BioPrint avait imprimé l'oreille de Van Gogh, reconstituée auparavant sur ordinateur. L'imprimante utilise de la lumière bleue qui va solidifier les couches grâce à un photo-initiateur présent dans cette fameuse bio-encre. Dans celle-ci se trouve aussi mélanger plusieurs poudres ainsi que les cellules vivantes cultivées à partir de souches du patient. Qui doivent être imprimés. Ça peut aussi ne pas être du patient lui-même. Ces cellules peuvent être de plusieurs types, cartilage ou encore collagène, la protéine la plus présente dans le corps humain. Pour l'instant, l'entreprise propose un kit d'encre de cartilage encore en test qui coûte environ 700 $. Pour l'instant, il n'est pas possible d'imprimer quelque chose aussi complexe qu'un organe, seuls les tissus humains avec une certaine forme. On imagine la possibilité de pouvoir fabriquer des médicaments personnalisés plus tard aussi par la même technologie ou en tout cas une technologie similaire. Encore faudrait-il que les autorités publiques donnent leur accord à ce genre de pratique. Pour le moment, la FDA, qui est le gendarme américain des médicaments et de l'alimentation, regarde ce genre de technologie de très près, mais sans en dire plus. Disney vient d'investir 65 millions de dollars dans Jaunt, une start-up californienne qui travaille sur des caméras permettant de filmer à 360 degrés, une manière de montrer son intérêt sur une technologie émergente qui pourrait prendre son envol en 2016. On a déjà vu sur YouTube, sur Facebook récemment, des vidéos en 360 degrés. Donc, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, ça pourrait bientôt être possible dans l'univers de Disney. Le célèbre studio hollywoodien vient d'investir 65 millions de dollars dans cette start-up de Palo Alto, en Californie. La spécialité de l'entreprise, c'est de concevoir des logiciels et des caméras permettant de filmer à 360 degrés. Si Disney est désormais son plus gros investisseur, Jaunt a reçu de l'argent d'autres sociétés du monde, de la production et des médias basés en Europe et en Chine. Disney étant propriétaire d'un véritable empire médiatique qui se compose notamment des chaînes américaines ABC et Disney, ABC et ESPN, ainsi que les studios Lucasfilm et Pixar, il n'est pas illogique que l'entreprise s'intéresse de très près aux possibilités offertes par la réalité virtuelle. On peut par ailleurs rappeler que le cinéma à 360 degrés était présent dès 1992 à Disneyland Paris, puis dans d'autres parcs au sein de l'attraction Le Visionarium, une attraction fermée en 2004 en France par le groupe. Disney rejoint d'autres groupes de médias qui témoignent d'un intérêt concret ou discret pour les réalisations à 360 degrés. Oculus VR, dont on parlait tantôt, a ouvert un studio dédié à ce type de production. Et Netflix n'exclut pas l'idée de s'y intéresser un jour. Du côté de YouTube, la commercialisation d'un système de caméra à 360 degrés destiné aux professionnels devrait permettre à ce type de vidéo de se développer en ligne. L'arrivée de la fin de l'année des premiers casques de réalité virtuelle pour le grand public devrait permettre à la tendance de s'affirmer. Le secteur du doublage de jeux vidéo américains vit une crise qui pourrait déboucher sur une grève. Le SAG-AFTRA, syndicat qui représente notamment les comédiens de doublage de jeux vidéo, étudie cette possibilité suite à une impasse dans les négociations au sujet des primes touchées par les acteurs sur les jeux qui se vendent le mieux. Alors où les jeux vidéo se veulent de plus en plus cinématographiques, on est souvent autant attentif au gameplay qu'à la direction artistique lorsqu'on prend la manette en main. Les studios de développement en ont conscience et embauchent des acteurs reconnus dans le milieu pour prêter leur voix aux personnages. Aujourd'hui, les comédiens de doublage américains ont conscience de l'importance de cet aspect au sein des jeux vidéo et désirent donc être considérés financièrement, mieux considérés, en particulier lorsque les titres se vendent très bien. Le SAG-AFTRA, ça c'est le Screen Actors Guild et l'American Federation of Television and Radio Artists. Le principal syndicat des comédiens de doublage aux États-Unis s'est lancé il y a quelques mois dans la renégociation des droits des acteurs qui participent au doublage des jeux vidéo. L'accord initial avait été réalisé dans les années 90 et n'avait pas bougé depuis. En plus de 20 ans, de l'eau a coulé sous les ponts et le syndicat a profité de l'expiration de l'accord le 31 décembre 2014 pour lancer une renégociation. L'une des principales requêtes du SAG-AFTRA, le versement des bonus aux comédiens lorsque le jeu dépasse les 2 millions de copies vendues. Un bonus qui se répétait à chaque 2 millions de ventes supplémentaires. Ça entraînerait potentiellement 4 bonus pour les jeux les plus lucratifs à 2 millions, 4, 6 et 8 millions de dollars de ventes. Seulement malgré 2 rencontres réalisées en février et en juin avec de nombreux studios dont Activision, Electronic Arts, Disney ou encore Warner, aucun accord n'a été trouvé. Face à la situation, le SAG-AFTRA a décidé de réagir en proposant à ses adhérents de se mettre en grève. Le 16 septembre, le syndicat a ainsi envoyé à de nombreux comédiens de doublage une carte leur permettant de voter en faveur ou non d'un arrêt de travail. Pour que la grève se mette en place, il faut au moins 75% des acteurs syndiqués favorables. C'est ça, on va suivre le dossier dans les prochaines semaines. Une nouvelle application mobile propose de synchroniser les haut-parleurs de plusieurs smartphones pour amplifier le son. Faire une soirée improvisée avec, pour platine audio, un simple téléphone intelligent, c'est possible grâce aux enceintes portables proposées par JBL, Jabong, Logitech, Bose ou Creative. Encore faut-il avoir cette dernière et s'assurer qu'elle est bien chargée. Et puis, il faudra débourser quelques dollars. L'éditeur AmpMe offre une solution alternative, le téléchargement d'une application mobile permettant de synchroniser les haut-parleurs de plusieurs smartphones. Disponible sur iOS et Android, l'application AmpMe appare chacun des terminaux, non pas en Bluetooth, mais via une empreinte audio composée d'une série de signaux sonores inaudibles à l'oreille humaine. Ces signaux sont captés par les microphones et assurent la synchronisation de tous les smartphones. Chacun des utilisateurs devra donc avoir installé AmpMe sur son appareil. Au travers du test de Clubic.com, la synchronisation n'est toutefois pas toujours parfaite. Pour rejoindre un ensemble de smartphones déjà appairés, il va falloir disposer d'une clé spéciale pour la session en cours, laquelle est expédiée par le créateur du groupe. Ce dernier sera le seul à avoir la main sur la liste de lecture et une fois cette clé saisie, le téléphone se transforme en haut-parleur supplémentaire. L'idée est simple, donc plus il y a de smartphones, plus le nombre de haut-parleurs est élevé et donc plus le son sera fort. Un concept qui risque de multiplier les tapages nocturnes, d'autant que la qualité du son ne s'en trouvera pas nécessairement améliorée. C'est ça, les téléphones cellulaires, c'est pas fait pour être fidèle côté son. Ensuite, on va y aller avec du Rickrolling dans l'Apple Watch, tiens. Ça n'arrêtera jamais. Depuis 2007, des millions de personnes ont été victimes du Rickrolling. C'est un phénomène Internet absurde qui consiste à cliquer sur un lien censé être intéressant et en fait être dirigé vers le clip YouTube, évidemment, de Rick Astley. Ah, on connaît ça. Oh oui. Oh. Ah. Le hit. Et Apple vient de remettre une pièce dans la machine en cachant un clin d'œil à ce monument de la culture web sur la page d'assistance de son Apple Watch. Comme le fait remarquer le site Mashable le 22 septembre, la page d'aide consacrée à la fonction Digital Touch de la montre connectée contient un message caché. Et l'image qu'on peut voir, donc pour expliquer comment ajouter un ami, c'est NE, puis VE, puis RG, etc. pour faire Never Gonna Give You Up. C'est les amis de Apple. Ah, c'est le titre du morceau de 1987. Voilà. Et sur cette chanson tellement intelligente, faisons le top 5, le top des jeux vidéo les plus loués dans les clubs vidéo. En position numéro 10 à 6, en rafale, on retrouve, en fait, est-ce que je vois? Je ne vois pas le 6. Je pense que c'est une blague qu'ils nous font, les autres aussi. Donc, 10, Mad Max 9, Destiny The Taken King. En 8e, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. En 7e, Destiny The Taken King, Legendary Edition. On saute à la position numéro 4 pour une raison que j'ignore. En 4e, c'est Super Mario Maker sur la Wii U. En 3e, Forza Motorsport 6 sur la Xbox One. En 2e, NHL 16 sur la Xbox One. Et en première place, c'est NHL 16 sur la PlayStation 4. Voilà. Ça va faire, Rick Casey. Merci de tes bons services. On écoute Jerk Me. Oui, Jerk Me. Avec une pièce de mes tests. MPS Mathieu Planchot. Ah, c'est fou. We'll be right back. C'était Space Cosmo, come to me. Pas mal bon ça. Ouais. Et avant c'était Jerky Me avec une pièce Test. Son fichier s'appelait Test, mais la pièce s'appelle With the Square of the Distance, créée sur LSDJ pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent faire du chiptune. Maintenant, vous êtes toujours Mathieu Plancheau et vous savez, depuis toujours, depuis l'existence de Mathieu Plancheau, on a des séries spéciales où on écoute au fur et à mesure des semaines qui avancent une même série musicale. Hein? On aime ça. Et cette fois-ci, je vous présente un album inspiré du jeu Splatoon. Splatoon! Vous connaissez ça, le jeu vidéo sur la Wii U où on se tire dessus avec de la peinture, des fusils de peinture, des trucs comme ça, des armes, des pots de peinture, des hoses à peinture. C'est un jeu vraiment super cool, super populaire en ce moment sur la Wii U. Et il y a un album remix de Splatoon qui s'appelle Splatoons, comme des chansons T-U-N-E-S, c'est super intelligent. C'est fait par DJ Cotman et plusieurs autres artistes de l'étiquette Game Chops. Et on s'en va entendre. Et première pièce, celle qui ouvre l'album, commençons avec celle de DJ Cotman qui s'appelle Kid Now, Squid Now. On Mathieu Plancheau. Wait. Ben Briggs avec Stay Fresh, précédé de Raffington avec Skutak. Et au début, DJ Cutman avec Kid Now, Squid Now. Inspiré de la publicité pour le jeu Splatoon, c'est une compilation en fait de pièces inspirées du jeu vidéo Splatoon sur la Nintendo Wii U. Au retour, on continue cette série Splatoon au Mathieu Plancheau. Alors, restez là. Mathieu Plante, toujours avec Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Il nous reste une demi-heure ensemble environ. Et pendant cette demi-heure, tout à l'heure, on va faire C'est un fait Tech Edition, voir ce qui s'est passé pendant le mois de septembre dans l'histoire de la technologie, de l'informatique et des jeux vidéo. Mais avant ça, on était en plein milieu de notre creux musical dans le milieu de l'émission, c'est-à-dire le moment où on se passe une série musicale. Et cette fois-ci, ben, c'est la compilation sur le jeu Splatoon qui s'appelle Splatoons. T-U-N-E-S comme des chansons, hein. Le jeu Splatoon qui est sur la Nintendo Wii U et qui fait fureur en ce moment. Tout le monde joue à ça en équipe, en réseau, peu importe. Et on se tire de la peinture dessus pour essayer d'avoir le plus de territoire possible dans le jeu. C'est vraiment super cool. Et on était rendu quand on avait entendu les trois premières pièces de l'album. Allons-y avec les 4, 5 et 6 parce que vous savez que j'aime les multiples de 3 en termes de chansons. La quatrième est par James Landino. Voici Show Me That Ink. 89 FM, c'est fou. Thank you. Hyper Potions et Squid Island, précédé de DJ Copman avec Jet Squid Radio et de James Landino avec Show Me That Ink. Les potions, les pièces en fait 4, 5 et 6, pas potions du tout. De l'album Splatoons par Game Chaps, un hommage au jeu Splatoon sur la Nintendo Wii U. C'était notre série musicale pour cette semaine et il y a 15 pièces en tout, donc on en a pour au moins 3, 9, 9, 9, 9, 9 pour plusieurs semaines. Hein? Maintenant, c'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait Tech Edition. C'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait Tech Edition! C'est un fait Tech Edition qui est la chronique où on parle des choses qui se passent dans l'histoire à travers le temps, dans le domaine de l'informatique, des jeux vidéo, de tout ce qui est technologique. Et commençons par le 1er septembre 2015, parce qu'on n'a pas fait ça de l'été. Je me suis dit que les mois de mai, juin, juillet et août vont devoir se passer le mois, parce que no way que je vais faire 5 mois de cette fête à Galation dans une chronique. Donc, 1er septembre, en 1902, le film Le Voyage dans la Lune, Trip to the Moon, débuté en France, le film de Georges Méliès, qu'on considère souvent comme le premier vrai film de science-fiction. En 94, la United States Library of Congress, la bibliothèque du Congrès, faisait sa première réunion pour planifier la conversion de tout ce qu'elle avait comme matériel en format numérique pour rendre ça accessible sur un réseau d'ordinateurs. En 96, Apple sortait la Pippin, la console de jeux vidéo d'Apple aux États-Unis. Oui, vous saviez peut-être pas, mais il y avait une console de jeux vidéo Pippin par Apple. L'idée, c'était d'avoir un ordinateur focusé sur les jeux vidéo qui n'était pas trop cher. Donc, Apple a mis sous licence des tiers parties comme Bandai pour fabriquer les consoles Pippin. Et en 2008, Google lançait son furteur web nommé Google Chrome. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Le 2 septembre, IBM annonçait le RS6000SP, un ordinateur parallèle qui était 58% plus rapide que Deep Blue, l'ordinateur qui a battu Kasparov aux échecs. Mm-hmm. Au ECTS à Londres, en 2001, Blizzard annonçait une version jeu de rôle en ligne de son jeu populaire Warcraft, de sa franchise populaire nommée World of Warcraft. Le 3 septembre... on commence avec Nokia qui a commencé à vendre en 2013, son unité d'appareils et de services, la division en charge des téléphones cellulaires vendus à Microsoft pour 7,2 milliards de dollars. En 1993, Infogear faisait une application pour une marque de commerce aux États-Unis pour son iPhone, pour des terminaux de communication. La compagnie avait plus tard enregistré iPhone, aussi I-P-H-O-N-E au lieu de I-Phone. Cisco a acheté Infogear en 2000 et plus tard, ils se sont arrangés avec Apple pour pouvoir partager le nom iPhone. Mais je pense que iPhone, c'est pas mal plus populaire chez Apple. Hein. Le 4 septembre, en 1998, Larry Page et Sergey Brin s'incorporaient Google, leur permettant d'encaisser un chèque de 100 000 $ de Andy Bechtolsheim, le cofondateur de Sun, qui avait écrit pour Google Inc. Envers Google Inc. Donc, ils ont pu l'encaisser en devenant une corporation. En 2013, Samsung annonçait sa montre intelligente nommée la Galaxy Gear, qui allait seulement être utilisée sur ses propres téléphones et tablettes qui avaient Android 4.3 dessus. Le 5 septembre, en 2007, Apple présentait pour la première fois le iPod Touch, amenant donc la fonctionnalité multitactile à sa célèbre ligne de iPod. C'était avant ça sur le iPhone seulement. Le 6 septembre, c'est des trucs d'espace, il n'y a absolument rien à dire là-dedans. Le 7 septembre, l'Entertainment and Sports Programming Network, ESPN, faisait son grand début en 79. Ça allait devenir une des principales raisons en fait d'avoir la télé câblée aux États-Unis. Et c'est ce qui faisait que les gens passaient aussi à la télévision sur Internet. Continuons avec le 8 septembre, tiens. Je dois en passer quelques-uns quand même. On parle, tiens, du premier rouleau de ruban sensible à la pression, à l'épreuve de l'eau et transparent. Était vendu en 1930, le 8 septembre. Son nom de marque Scotch allait devenir synonyme du ruban adhésif, donc Scotch Tape. En 1966, l'émission de télé Star Trek a fait son début à la télévision avec l'épisode The Man Trap. Star Trek allait avoir une influence évidemment très très évidente hein, sur le futur de la technologie et du design. Ensuite, on saute au 9 septembre. On y va avec 1999, la Sega Dreamcast qui fait son début en Amérique du Nord. Plusieurs ont été distraits par le bug du 9999 qui finalement était aussi peu un problème que le bug de l'an 2000. En 2014, Apple annonçait que le iPhone 6 à 4,7 pouces et l'iPhone 6 Plus pardon, à 5,5 pouces en même temps que Apple Pay. Et le système de paiement, Apple Pay, la compagnie avait aussi annoncé au même moment l'Apple Watch. C'était en 2014. Le 10 septembre, est-ce qu'on a sauté un jour? Non, c'était bien le 9 septembre tantôt. On est rendu au 10 septembre. Apple annonçait deux nouveaux téléphones en 2013, l'iPhone 5S avec scanner d'empreintes digitales et l'iPhone 5C, la version plus cheap, colorée, en plastique du iPhone 5. Donc, quand vous voyez en ce moment l'iPhone 5C qui est vendu à 0$ en magasin, bien, c'est que vous achetez un modèle qui date de septembre 2013. C'est pas super, super à jour, mais quand même, ça peut plaire à certaines personnes et il y a juste 8 gigs dedans. Fait que si vous n'avez pas grand-chose à mettre dessus, c'est cool. Ensuite, en 1928, la station de radio WGY de General Electric faisait la première diffusion simultanée à Schenectady, New York, d'une pièce de théâtre nommée The Queen's Messenger, avec une version audio diffusée sur la radio, avec l'image en mouvement synchronisé à la, à la télévision en même temps. Donc, c'était en 1928. Le 12 septembre, le président américain John F. Kennedy livrait un discours au stade de Rice University en déclarant « We choose to go to the moon ». Nous choisissons d'aller sur la Lune. Et plusieurs considèrent que c'était le premier, en fait, ce discours-là était le premier à déclencher la guerre de l'espace. Tiens, même si je parle pas souvent d'espace dans cette chronique-là. En 85, Steve Jobs annonce au conseil d'administration d'Apple qu'il allait se retirer d'Apple. Jobs a dit « J'y ai beaucoup pensé, c'est le moment pour moi de continuer ma vie, c'est évident que j'ai quelque chose à faire d'autre, j'ai 30 ans. Hein? » Donc c'était en 1985. En 94, Mosaic Communications a introduit pour la première fois son premier logiciel, le Mosaic Netscape Network Navigator et le Mosaic NetSite. Ça, c'est une ligne de serveur, donc ça, c'est en 94. Le 13 septembre, en 83... Nintendo sortait Super Mario Bros. Au Japon. C'est devenu le jeu vidéo qui s'est le plus vendu pendant 20 ans avant d'être surpassé par Wii Sports. En 2000, la bêta publique de Apple Mac OS X, nom de code Kodiak, est sortie. Plusieurs utilisateurs ont payé 30$, 29,95 US pour la bêta. C'était en 2000. Le 14 septembre 2000, Microsoft sortait Windows Mi. Le Mi voulait dire Millennium Edition, mais qu'il le vaille ou non, qu'il vaille la peine de ce nom-là ou non, éventuellement, ça allait devenir un nom de code pour tout ce qui est pourri, quelque chose de mauvais, qui n'est pas nécessaire, une mise à jour qu'on ne veut pas avoir, Windows Mi. Maintenant, on pourrait dire un Vista, faire un Vista. Parce que c'est passé la même chose avec Windows Vista. En 2001, la Nintendo GameCube était en vente pour la première fois au Japon. C'était la première console de Nintendo qui n'avait pas de cartouche. Le 15 septembre 2008, Best Buy achetait le service de musique Napster pour 121 millions de dollars, empêchant le système de partage des fichiers de faire faillite. En 2014, Microsoft annonçait qu'ils achetaient Mojang, le fabricant, la personne qui a eu l'idée de Minecraft, l'univers de Minecraft. Les fondateurs de Mojang, Notch, Carl et Jacob, ont annoncé qu'ils allaient quitter la compagnie à ce moment-là. Ensuite, on passe au 16 septembre. La première photocopieuse à succès, la Xerox 914, a été présentée pour la première fois au Sherry Netherland Hotel à New York. Il y en a un qui a pris en feu. La démo, d'ailleurs, a été diffusée à la télévision. Voilà. En 1985, Steve Jobs a passé sa dernière journée comme employé d'Apple après avoir soumis sa démission, comme on en parlait tout à l'heure. Et en 97, après avoir acheté Next au mois de décembre précédent, ramenant Steve Jobs à la compagnie, le CA de Apple nommait Jobs comme chef par intérim remplaçant Gil Amelio. Et le reste est passé à l'histoire. Le 17 septembre en 2007, AOL annonçait ses plans de refocuser la compagnie sur la publicité. Elle allait relocaliser ses quartiers généraux de Dulles en Virginie à New York City. Le 18 septembre, en 1998, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'ICANN, a été créée pour reprendre les tâches administratives ayant lien à l'Internet qui appartenait précédemment au gouvernement américain. Une des choses les plus populaires que l'ICANN fait, c'est de surveiller les noms de domaines. Donc les www.quelquechose.com et autres. Le 19 septembre... 1982, dans un post fait à 11h44 du matin, le professeur Scott Fallman a proposé pour la première fois d'utiliser les caractères deux petits points et une fermeture de parenthèse pour indiquer des blagues sur un forum du département des sciences et de l'informatique à Carnegie Mellon University. Il avait aussi suggéré deux points traits d'union et on ferme la parenthèse pour faire un petit bonhomme qui est triste. En 1995, c'est l'International Talk Like a Pirate Day qui a été célébré pour la première fois par John Bauer et Mark Summers de Albany en Oregon. Ils avaient trouvé cette idée-là pour le 6 juin. En fait, ils avaient trouvé le 6 juin en jouant au racquetball, mais ça, c'était le D-Day, l'invasion de quelque chose, le truc, je suis pas un fan d'histoire. Mais le 19 donc, septembre était la, l'anniversaire de l'ex-femme de M. Summers et c'était la seule journée qu'il pouvait se rappeler. Donc, ils ont choisi le 19 septembre. On passe au 20 septembre. Allons-y avec... On va sauter de jour. Le 21 septembre, tiens, allons-y. Avec Google qui sortait de bêta en 1999, la jeune compagnie a annoncé sa nouvelle fonctionnalité Google Scout et le lancement de son nouveau site web en enlevant la désignation bêta de son moteur de recherche. En 2000, Kevin Mitnick sortait de Lompoc, de sa prison à Lompoc en Californie après presque 5 ans d'incarcération. C'est lui qui faisait du phone freaking. Allez vous renseigner sur Kevin Mitnick, qui a un livre très intéressant à son sujet. En 2011, Facebook annonçait sa nouvelle fonctionnalité Timeline. En 2011, le 22 septembre, donc il allait ramasser tous vos posts et tout ce que vous avez posté en ordre chronologique à la place d'avoir un profil comme avant. Vous vous souvenez, on dit encore afficher ça sur le mur de quelqu'un, mais ça date d'avant 2011, le mur. Le 23 septembre, en 1999, deux ans après avoir été fondé, Netflix lançait son service de location de DVD qui était son système d'abonnement par DVD, oui, qui était beaucoup plus populaire. Attends, c'est quoi ça? Je pense que c'est mal écrit. C'est son service de location, pas de location, mais de streaming qui était en 99, je crois, parce que le système de DVD, ça devait dater d'avant ça. Mais l'article n'est pas tout à fait clair. En 2002, Mozilla Phoenix 0.1 est sorti. C'est la première version publique du furteur web qui allait devenir plus tard Mozilla Firefox. Hein? Ensuite, le 24 septembre, en 1979, CompuServe a commencé à offrir sa version pour les clients, la version du petit peuple de son système d'information par dial-up, donc par connexion, par téléphone nommé Micronet. Le nom allait plus tard changer pour devenir CompuServe. Ils avaient commencé aussi à offrir des courriels en ligne et plusieurs personnes aux États-Unis ont une adresse at CompuServe. En 1993, Brotherbond Software sortait le jeu Myst pour les ordinateurs Macintosh, devenu un meilleur vendeur et ça a aidé à populariser les lecteurs CD-ROM. En 97, Ultima Online a été lancé. Ça a révolutionné les jeux vidéo en ligne avec des milliers de joueurs qui jouaient en même temps dans un monde persistant. Donc, quand on se déconnectait, on revenait, on gardait le même profil, le même personnage. En 2013, Valve a lancé leur système Steam OS, une version gratuite de Linux construite autour de Steam, le service de jeux vidéo en ligne. Passons au 25 septembre. En 2001, Apple a annoncé la sortie de macOS 10.1 Puma, la première mise à jour majeure de OS 10. En 2012, Blizzard lançait la quatrième expansion de World of Warcraft nommée Mists of Pandaria. Et en 2013, Amazon annonçait les Kindle HDX, les tablettes avec un service nommé Mayday qui permettait de permettre aux utilisateurs de parler à une personne en temps réel sur vidéo sur Internet pendant en 15 secondes seulement en appuyant sur un bouton Mayday. Le 26 septembre, en 1960, tiens. Voilà, oui, très intéressant ça. Pour la première fois, un débat présidentiel américain était télévisé. Le vice-président Nixon et le sénateur Kennedy se faisaient un petit débat à Chicago et ont été perçus différemment par ceux qui l'écoutaient à la radio versus ceux qui le regardaient à la télévision. Il y en avait qui rougissaient ou qui avaient l'air gênés ou quelque chose comme ça. C'est le 26 septembre 1960. Et finalement, le 27 septembre, allons-y avec Kevin Mitnick. On a parlé tantôt en 96, il était trouvé coupable des accusations d'avoir infiltré un système de compagnie de téléphone, de logiciel, pardon, majeur. Et ensuite, il avait transféré du matériel volé à des ordinateurs de la USC via Internet. C'était quelque chose qui n'avait jamais été vu à l'époque. Donc ça, c'était en 1996. Voilà, hey! Mais on s'est rendu à la fin de C'est un fait, Tagadation. Je ne m'attendais pas à ça. J'en suis très heureux. Et malheureusement, c'est là-dessus que se termine une autre édition du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Oh oui, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. Je vous retrouve aussi avec Talia Baudin à Assemblage Requis du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Palmarès C'est Fou les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca, retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe du Mathieu Plante Show, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!